hey, hey, hey. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Soit tout est possible. Ou tout ne l'est pas. Dans ce monde-ci, dans ce monde-là, qu'est-ce qui est possible dans ce monde-ci, dans ce monde-là? Qu'est-ce qui est possible dans ce monde-ci? Qu'est-ce qui est possible dans ce monde-là? Soit tout est possible, soit tout ne l'est pas. Dans ce monde-ci, dans ce monde-là. Changer de décor, changer d'horizon, changer de vitesse, changer de position. Changer de décor, changer d'horizon, changer de vitesse, changer de position, changer de confort, changer de confort, de passion. Changer d'horizon, changer de vitesse, changer de passion, changer de confort, changer de portion, changer de passion, changer de... Dans ce monde-ci, ouais, dans ce monde-là, changer... Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est possible?